إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous unir dans ces assises qui sont les assises les plus aimées de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on vient dans une assise de science, ce n'est pas, l'objectif n'est pas juste d'accumuler des connaissances. Rien que le déplacement, chaque pas que l'on fait pour y venir sont des hasanat. Les habitants des cieux et de la terre invoquent pour la personne qui sort pour apprendre le bien. On y vient pour purifier nos âmes, augmenter notre foi, augmenter notre connaissance d'Allah. Et il y a dans ces assises une éducation. Le fait de s'asseoir, d'écouter les versets du Coran expliqués, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqués. Il y a beaucoup de choses que vous allez entendre, peut-être que vous connaissez déjà. Mais c'est comme ça que la science, la vraie science, se conforte et se raffermit dans le cœur d'une personne. À force d'écouter, à force de s'asseoir, à force de faire des efforts. Il y a des savants et des étudiants, le même texte, ils l'étudient des centaines de fois. À chaque fois, il y comprend, il en tire encore des leçons auxquelles il n'avait pas prêté attention les fois d'avant. Et beaucoup d'entre nous, quand on a déjà étudié un texte ou un hadith ou un sujet, « Ah, je connais !» Alors dès que l'enseignant ou la personne qui parle de ce sujet, on a l'impression de connaître le sujet, on n'y prête pas attention. Peut-être une parole, elle va être la cause de changer la vie d'une personne, s'il la médite. S'il se demande, il se demande des comptes et il se demande où suis-je moi de ce hadith? Où suis-je de la concrétisation du tawhid dans ma vie? Est-ce que vraiment je suis un vrai monothéiste qui, dans tous mes actes, dans toutes mes paroles que je fais, c'est la sincérité, c'est le visage d'Allah que je devance avant tout. C'est l'au-delà que je cherche. Ce bas monde pour moi n'a pas la valeur d'une aile de moustique. C'est ces questions-là qu'il faut se poser quand on étudie la science. Comment je comprends ces hadiths, ces thèmes que l'on va aborder? Comment je les mets en pratique de ma vie? Dans ma vie, comment je les transmets, comment ils vont me servir pour me corriger, et ils vont être une preuve pour moi le jour du jugement dernier. Nous avons vu la semaine dernière les quatre premiers hadiths de ce recueil de hadiths qui réunit 40 hadiths sur les droits, le droit du Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au cinquième hadith, que je vais lire d'abord en arabe, puis le traduire, inshallah. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة. Donc ce hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu wa an abi. Ce hadith, il a une histoire. Il a une histoire où il y avait des imams parmi les salafs qui étaient assis ensemble et qui discutaient. Hussein ibn Abdurrahman, Saïd ibn Jubayr et d'autres étaient assis. Et Hussein raconte une conversation qu'il a eue avec ses savants et ses gens de bien parmi les pieux prédécesseurs, parmi les tabi'in. Il dit, vous avez vu l'étoile la nuit dernière? Avez-vous vu l'étoile la nuit dernière? Cette étoile les a fait rappeler Allah tabarak wa ta'ala. Et Hussein a dit tout de suite, je ne priais pas. Pour ne pas s'attribuer un acte qu'il n'avait pas fait. Il a dit, je ne priais pas, je ne l'ai pas vu parce que je priais la nuit. Je ne priais pas, mais j'ai été piqué par un scorpion. C'est ça qui m'a réveillé. Alors, il a dit, et qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que il n'y a pas de ruqya sauf des piqûres, contre les piqûres. Saïd ibn Jubayr lui répondit, tu as bien fait. Il fait partie de la science d'une personne de s'arrêter à ce qui lui est parvenu comme hadith ou comme science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais je vais t'enseigner autre chose. Et il lui a cité le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Il lui a cité ce hadith d'Abdullah ibn Abbas que je vais vous lire. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les communautés me furent présentées. Et je vis un prophète accompagné d'un petit groupe de disciples. Un prophète accompagné d'un ou de deux disciples. Et un prophète accompagné de personnes. Et seul. Soudain, je vis une multitude de gens surgir. Je pensais qu'il s'agissait des gens de ma communauté. Mais on me dit, il s'agit de Moussa, de Moïse, et de son peuple. Regarde plutôt du côté de l'horizon. Je regardais et je vis une grande multitude de gens. On me dit, il s'agit des gens de ta communauté. 70,000 d'entre eux entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Mais les compagnons restés sur place se mirent à discuter à propos de ces gens-là qui entrerait au paradis sans jugement. Et dans une autre version, sans jugement ni châtiment. Ils dirent, nous on est nés dans le polythéisme. Et on a cru après cela en Allah et en son messager. Mais nos enfants, eux, sont nés en islam. Donc, ils ont espéré que ce soit ces personnes-là, ceux qui sont nés en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en leur demandant de quoi ils discutaient. Ils lui ont informé de quoi ils discutaient. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit alors, il s'agit de ceux qui ne font pas d'incantation, ni pour eux, ni pour les autres, qui ne consultent pas les augures, et qui placent leur confiance totale en leur Seigneur. Qui ne font pas les augures et qui ne font pas el-kay, qui est la cautérisation. Et qui placent leur confiance totale en leur Seigneur. Alors, Kasha ibn Mihsan se leva et dit, est-ce que je fais partie de cela au messager d'Allah? Il dit oui. Dans une autre version, invoque Allah pour que je fasse partie de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, tu feras partie de ces gens-là. Puis une autre personne se leva et dit, est-ce que moi j'en ferai partie? Ou dans une autre version, invoque Allah pour que j'en fasse partie. Il dit, Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. Ukasha ibn Mihsan ibn Hursan al-Asadi radiyallahu anhu. Il fut parmi les premiers compagnons à embrasser l'islam. Il émigra et il participa à la bataille de Badr. Il combattit les apostats sous le commandement de Khalid ibn al-Walid et il tomba martyr en l'an 12 de l'Hégire. Donc dans ce hadith, comme on a dit, ce hadith, il y a une histoire autour que les salafs, certains parmi les salafs, parmi les plus prédécesseurs, étaient assis en train de discuter en parlant de l'étoile qu'ils ont vue dans la nuit et que l'un d'eux s'est fait piquer et qu'il s'est fait ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans ce hadith que pour atteindre les hauts degrés et les gens qui entreront au paradis sans compte, sans ni jugement, qui sont au nombre de 70 000, comme cité dans ce hadith, ce sont ceux qui placent leur confiance totale à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci en délaissant certaines choses qui peuvent être permises, qui ne sont pas détestables, ou d'autres qui sont détestables et qui ne sont pas interdites, et d'autres qui sont complètement interdites, comme les augures. Et tout ceci pour placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, pour concrétiser le monothéisme pur. Et s'attacher à la cause la plus forte, qui est quoi? At-tawakkul, la confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala. On voit dans ce hadith, dans l'histoire qui précède ce hadith déjà, que les pieux prédécesseurs méditaient sur les signes célestes et ne les considérez pas comme des simples effets de la nature. Aussi, les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à la sincérité. Ils ne voulaient pas qu'on leur attribue un acte en bien qu'ils n'avaient pas fait. Autant qu'une personne détesterait qu'on lui attribue un mal qu'il n'a pas fait. Comment on est quand on nous attribue un mal qu'on n'a pas fait? Non, c'est pas moi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais dit ça. On est révolté, n'est-ce pas? Mais si on vient, on va t'attribuer un bien que tu n'as pas fait. La majorité des gens, ils vont se taire, ou ça va leur plaire. Mais les pieux prédécesseurs, non, ça les gênait. Ils n'acceptaient pas cela. La personne ne lui a rien attribué, juste par doute. Au cas où ils auraient pensé qu'il avait prié cette nuit-là. Il a voulu tout de suite lever le doute. Non, non, j'ai pas prié cette nuit-là. J'ai pas vu l'étoile parce que je priais cette nuit-là. J'ai été piqué par un scorpion. D'ailleurs, il est rapporté que certains des pieux prédécesseurs qui priaient la nuit constamment, le matin, ils faisaient comme s'ils bâillaient fort pour faire croire à leur famille et à leurs proches qu'ils venaient juste de se réveiller. Qu'ils venaient juste de se réveiller. Wallahu musta'an. Donc, ils faisaient tout pour s'éloigner de l'ostentation. Parmi les leçons que l'on peut tirer de l'histoire qui précède le hadith, c'est que les savants parmi les pieux prédécesseurs et le commun parmi les pieux prédécesseurs étaient attachés aux preuves. Car ils lui ont demandé pourquoi elle s'est fait le prière pour la piqûre et il a répondu avec un hadith. Il a répondu avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été félicité parce qu'il a répondu avec un hadith par un savant parmi les tabi'in, Sa'id ibn Jubayr, qui lui a dit « Il est bon de s'arrêter à ce qui nous a été parvenu. » C'est-à-dire que la personne, tant qu'il s'attache à ce qui lui est parvenu comme preuve authentique, c'est une preuve d'être sur le bien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu lui donner mieux. Il lui a dit « Tu m'as donné un hadith qui montre la permission de se faire ruqya. Maintenant, moi, je vais te donner un autre hadith qui te montre comment atteindre des degrés plus hauts que cela. Faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment. » Et il lui a cité le hadith d'Ibn Abbas. Ceux qui ne font pas ruqya, ceux qui ne se font pas faire ruqya, ceux qui ne croient pas dans les mauvais augures, ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation et qui placent leur confiance totale en Allah. On voit aussi dans cette histoire que les pieux prédécesseurs, ils débattaient des affaires de science entre eux avec courtoisie et sagesse, avec preuve. Ils s'enseignaient les uns les autres, ils se transmettaient le savoir. C'était des assises illuminées dans lesquelles on évoquait Allah tabaraka wa ta'ala et l'au-delà, dans lesquelles on apprenait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les règles que l'on tire de ces hadiths. On voit dans le début de ce hadith qu'il est permis de se soigner avec la ruqya et on va parler plus en détail de cela inchallah. On voit aussi dans le hadith d'Ibn Abbas la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui toutes les nations furent présentées. Et ce qui apparaît, c'est que ceci fut pendant son ascension nocturne. Pendant son ascension nocturne, on lui a présenté toutes les nations sallallahu alayhi wa sallam. On tire de ce hadith que le nombre de suiveurs n'est pas une preuve d'être sur la vérité. Comment on tire ça de ce hadith? Dites-moi. Oui. Même aucun suiveur. Voilà, parce que dans le hadith, il est cité que certains prophètes vont venir le jour du jugement dernier avec un ou deux suiveurs, avec une dizaine de suiveurs, ou seuls, sans aucun suiveur. Zéro, aucun suiveur. Alors que les prophètes sont les élus d'Allah, sont les meilleurs des hommes, sont ceux qui ont été choisis par Allah pour prêcher les gens à la vérité. Donc, eux, ils ont fait leur mission comme il se doit. Ils ont fait leur travail. Mais la guider dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une réplique à ceux qui se basent sur le grand nombre pour prouver de la véracité d'un message ou du bien fondé d'une personne ou de ce qu'elle dit. En général, dans le Coran, le grand nombre est blâmé. Il peut y avoir des époques où le grand nombre est sur la vérité, comme dans les premiers siècles de l'islam, oui. Il y a des époques où le grand nombre est sur la vérité, mais c'est rare. Dans la majorité des cas, il n'y a qu'un petit nombre qui est sur la vérité. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, « Wa qalilum min ibadi ash-shakur » Très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. « Wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin » La majorité des gens, même si tu le veux ardemment, ne seront pas croyants. Et plusieurs versets dans ce sens-là qui démontrent clairement que le nombre de personnes, le nombre d'adeptes d'un groupe, le nombre de suiveurs n'a aucune valeur religieusement parlant. Et on pourrait dire aujourd'hui le nombre de suiveurs sur les réseaux sociaux n'a aucune valeur. Toute personne intelligente peut le comprendre, car les personnes les plus suivies sont sûrement les personnes les plus viles que cette terre connaît. Donc toute personne intelligente peut comprendre cela. On voit dans ce hadith l'obligation de suivre la vérité même si les adeptes de la vérité sont un petit nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bada hadha ad-din ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba » Cette religion a commencé étrangère et elle redeviendra étrangère comme elle a commencé. Que le paradis soit dû aux étrangers. Il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux-là? Il a répondu, ce sont des gens pieux d'une petite quantité, d'un petit nombre, ceux qui leur désobéissent sont beaucoup plus que ceux qui leur obéissent. Qu'Allah ta'ala nous compte parmi ces gens-là. Ou dans une autre version, ce sont des gens pieux dans une multitude, au milieu d'une multitude de gens pervertis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment se comporter. Et il a dit que le croyant qui se mélange aux gens et qui supporte leurs méfaits est meilleur auprès d'Allah que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne supporte pas leurs méfaits. Effectivement, le croyant, quand il est entouré de personnes qui ne sont pas sur la même voie que lui, subit leurs méfaits, que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit la société dans laquelle il vit, que ce soit au travail, peu importe. Mais s'il supporte pour Allah, il patiente pour Allah et il essaye lui de faire son devoir de croyant et de montrer le bon chemin par sa parole, par ses actes, par son attitude, par son comportement, alors il a une plus grande récompense auprès d'Allah que celui qui n'arrive pas à les supporter et qu'il s'isole. Sauf si il arrive une période vraiment où il n'est plus possible de pratiquer sa religion à part en s'isolant. On voit dans ce hadith la vertu du prophète Moussa alayhi salam et de son peuple qui sont d'un grand nombre. On voit la vertu de cette communauté qui est la meilleure communauté, la plus nombreuse, la première à entrer au paradis. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On peut tirer de ce hadith comme leçon la valeur et la vertu de la concrétisation du tawhid, du monothéisme pur. Car celui qui concrétise le monothéisme pur, sa récompense est d'entrer au paradis sans châtiment ni compte. Qu'Allah nous compte parmi cela. On voit dans ce hadith que les pieux prédécesseurs, les sahaba, avaient une compréhension profonde de la religion. Car quand ils ont entendu que 70 000 entreraient au paradis sans jugement ni compte, ils ont compris que ceci est lié aux actes. Donc ils ont cherché les meilleurs actes dans l'islam. Ils se sont dit, ceux qui sont nés en islam, ils n'ont jamais associé à Allah toute leur vie jusqu'à mourir dans l'islam. Donc il y a plus d'années, plus de jours de bonnes actions, automatiquement ils auront plus de hasanat. On voit aussi dans ce hadith que les pieux prédécesseurs veillaient ardemment à se concurrencer dans l'accomplissement du bien. Et ils cherchaient toujours le meilleur, à atteindre la perfection, à atteindre les plus hauts degrés, à se concurrencer dans le bien, à s'entraider dans le bien, et non pas à en faire le minimum. Et subhanallah, on se rend compte, parfois il y a des personnes, quand ils ne connaissent pas la différence entre les obligations et les œuvres surérogatoires, ils font beaucoup de bonnes actions. Après, quand ils apprennent que telle œuvre est surérogatoire, ils les délaissent. Donc cette science, elle ne lui a pas été utile à lui. Les sahaba, ils n'apprenaient pas la différence entre une obligation et une œuvre surérogatoire pour délaisser les œuvres surérogatoires. Mais cet apprentissage, il doit nous apprendre à prioriser, à savoir ce qui est prioritaire, et à donner de l'importance à ce qui est plus important. Mais les œuvres obligatoires ne peuvent être perfectionnées qu'avec les œuvres surérogatoires. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, celui qui a des manquements dans sa salat, Allah Ta'ala va demander qu'on regarde dans ses salats surérogatoires, dans ses prières surérogatoires, pour venir combler le manquement dans l'obligation. De même, celui qui a des manquements dans son jeûne, on va aller chercher dans son jeûne surérogatoire, pour venir combler les manquements qu'il y a dans le jeûne obligatoire, etc. pour tout pilier, toute obligation de l'islam. La zakat, les sadaqat, les aumônes surérogatoires qu'il fera, elles viendront combler les manquements qu'il a eu dans les aumônes obligatoires, etc. On voit dans ce hadith un des signes de la prophétie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ukash ibn Mihsan ferait partie de ces gens-là, c'est-à-dire il lui a annoncé le paradis. Et il est mort, Ukash ibn Mihsan, en martyr durant les guerres contre les apostats. On voit aussi la valeur de Ukash ibn Mihsan, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été annoncé être parmi les gens du paradis de son vivant. Contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas que 10 personnes parmi les sahaba, parmi les compagnons, qui sont promis au paradis. Et quand on dit les 10 promis au paradis, c'est 10 compagnons cités dans un même hadith. Sinon, il y en a d'autres. Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé le paradis. Ukash ibn Mihsan. Et d'autres parmi les sahaba, radiallahu anhum. De manière précise. Bien que de manière générale, Allah Ta'ala a agréé les sahaba. De manière générale, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit dans la version du hadith où Ukash ibn Mihsan demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui, pour qu'il en fasse partie, la permission de demander à une personne en qui on a espoir qu'elle est pieuse d'invoquer Allah pour nous. Mais ce n'était pas l'habitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se demander des du'as les uns pour les autres. Déjà parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a un statut spécifique, ces du'as sont acceptés. D'invoquer Allah en leur faveur, ils sont peu. Abu Bakr, Omar, les grands parmi les Sahaba, ils ne demandaient pas au prophète sallam d'invoquer pour eux. Ils invoquaient eux-mêmes directement Allah Ta'ala. Il est arrivé dans certaines situations que certains Sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour eux. Et il a été rarement rapporté que les Sahaba, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr ou à Omar d'invoquer Allah pour eux, ou grands parmi les Sahaba. Donc il est préférable de ne pas demander à quelqu'un d'invoquer pour nous, de se suffire nous-mêmes d'invoquer. Par contre, si on entend que notre frère en islam ou notre sœur a besoin d'invocation, on invoque sans qu'elle demande, sans que cette personne demande. On invoque pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand des gens venaient ramener des dons à la mosquée, il invoquait pour eux. Mais ces gens ne venaient pas en disant, tiens, je fais un don, fais du'a pour moi. En plus, au mimbar, avec condition. Au mimbar, pendant le Jumu'ah. Celui-là, il a perdu une part de sa récompense. Si sa sadaqa n'est pas complètement sortie même de ce qui est pour Allah pour l'ostentation au bout d'un moment. Ou pour gagner une du'a. Celui qui fait pour Allah, il ne demande rien en échange. Même pas une du'a. Même pas un remerciement. Même pas une invocation. Même pas un sourire. Il donne pour Allah. Il fait pour Allah. Pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, après, le bon comportement du musulman, c'est de lui répondre par des bonnes du'as. De lui faire un sourire. D'invoquer Allah en sa faveur. Mais sans qu'il le demande. Non. On voit la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la sagesse et l'euphémisme, car il a un bon comportement pour ne pas refuser le deuxième qui a demandé. Il lui a pas dit non, je te fais pas du'a. Non, tu ne fais pas partie des autres. Comment il lui a répondu? Tu as été devancé par Ukkash. Tu as été devancé par Ukkash, radiallahu anhu. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur ce hadith. Le prochain hadith, en fait, on va lire les deux prochains hadiths ensemble car c'est les mêmes sujets. An Uqbah ibn Amir al-Juhani, an Uqbah ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: Man 'allaqa tamimatan faqad ashrak. Rawahu Ahmad bi isnad jayyid. Selon Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui attache une amulette a certes commis du polythéisme. Rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission forte. An Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: inna ar-ruqa wa tamaima wa tiwalata shirkun. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والألباني رحمه الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أدي j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: les ruqya, les amulettes et la tiwala sont du polythéisme. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission avec, et ce hadith est authentique. Donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou dans les deux hadiths qui sont passés, dans le premier d'Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les amulettes accrochées, des amulettes et du polythéisme. Les amulettes, c'est tout ce qu'on accroche, que ce soit à la main, au cou, autour de la taille, ou même parfois il y en a qui les mettent dans leurs livres, dans leur portefeuille, sous les coussins, à l'entrée des maisons, peu importe, pour chercher protection contre un mal. C'est ça les amulettes. Peu importe sa forme, un fil, des perles, une écriture mise dans du cuir, peu importe. Et ces amulettes-là, elles sont de deux catégories. Les amulettes qui sont du polythéisme et les amulettes qui sont interdites, mais qui ne sont pas du polythéisme. Qui sont interdites, mais qui ne sont pas du polythéisme. Les amulettes qui sont du polythéisme, c'est toutes les amulettes qui existent. Sauf celles faites avec le Coran. Celles qui sont interdites, mais qui ne sont pas considérées comme du polythéisme, c'est celles faites avec le Coran. S'il n'y a que du Coran dedans, c'est interdit car c'est une innovation. Ce n'est pas un moyen de se protéger, mais on ne peut pas dire que c'est du polythéisme, car le Coran c'est la parole d'Allah. Et d'ailleurs, les textes rapportés dans ce sens-là ne sont pas authentiques. Et tous les textes authentiques interdisent tout type d'amulette, que ce soit du Coran ou non. Que ce soit du Coran ou non. Ceci concernant le premier hadith et les amulettes. Pareil, les fils, parfois il y a des gens qui portent des espèces de fils aussi, des cordes. À l'époque des Sahaba aussi, les polythéistes avaient des croyances dans les cordes qui étaient utilisées dans les arcs, qui étaient faits de boyaux. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les couper, de les détruire. Tous ces types d'amulettes et toutes ces choses dont les gens pensaient qu'elles étaient une cause de les protéger. Bien sûr, celui qui pense que c'est une cause pour le protéger, qu'elle ne le protège pas indépendamment de la volonté d'Allah, n'est pas sorti de l'islam, mais il a commis un acte de polythéisme. Par contre, s'il pense que ces amulettes le protègent en dehors de la volonté d'Allah, en dehors de sa décision et de son pouvoir, alors il aura commis du polythéisme majeur qui le fait sortir du cercle de l'islam. Dans le deuxième hadith d'Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe qu'utiliser les choses en cherchant en recherchant qu'elles repoussent un mal ou qu'elles apportent un bénéfice sans que ce soit des causes légiférées est du polythéisme. Car nul autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne repousse le mal ou n'accorde le bien. Et cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve de l'interdiction de ces actes. Ces actes-là, ils sont de trois types. Ruqa, qui est le jama, qui est le pluriel de ruqya, qu'on pourrait traduire par incantation ou ruqya ou exorcisme selon le sens voulu. Les amulettes, on a expliqué qu'est-ce qu'étaient les amulettes. Et Tiwala. Tiwala, c'est de la sorcellerie. C'est une sorcellerie spécifique pour attacher la femme à son mari. Tiwala, c'est une sorcellerie spécifique pour que la femme, elle ressente de l'amour pour son mari. C'est du shirk. C'est de la sorcellerie, donc c'est du shirk, c'est du polythéisme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde d'utiliser ces moyens qui mènent au polythéisme et a incité à protéger la croyance des musulmans et ceux qui pourraient l'entacher ou l'annuler. Et l'interdiction d'utiliser les choses qui sont citées dans le hadith. Et ces trois pratiques font partie du shirk. Les ruqyas, l'exorcisme ou les incantations, sont de deux types. Certaines sont licites et d'autres sont illicites. Celles qui sont licites, c'est celles qui ne comportent pas du polythéisme dedans ou de l'association. Qui sont dites avec des paroles compréhensibles. Parce que parfois, certaines personnes utilisent des paroles incompréhensibles. Et en général, s'ils utilisent des paroles incompréhensibles, c'est que souvent, il y a une demande d'aide à autre qu'Allah dans cela. Et à condition de savoir que ce n'est qu'une cause, que le raqi ne peut pas guérir. Celui qui guérit, c'est Allah, tabaraka ta'ala, seul. La ruqya n'est en fait que comme une invocation, comme si quelqu'un est invoqué pour toi, tout simplement. Il intercède auprès d'Allah par sa parole, par les noms d'Allah, par la parole d'Allah, par le Coran, ou par les noms d'Allah, ou par les hadiths, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, dans lesquelles il y a les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est qu'une invocation. En fait, c'est une personne qui récite le Coran ou les invocations enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant qu'Allah accepte et mette la guérison en cela. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour la dua? Rien que la dua, déjà, il est préférable de ne pas le demander. Le ruqya, encore plus. Si la personne veut faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment, il ne demande pas aux gens de lui faire ruqya. On parle bien de la ruqya licite, compréhensible, dans laquelle la personne il récite que le Coran, avec des paroles compréhensibles, ou des paroles, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres paroles où il invoque Allah avec des bonnes paroles, mais compréhensibles. Compréhensibles. Et bien sûr, la personne concernée, elle est plus à même d'être acceptée par Allah que la personne qui n'est pas concernée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Qui donc répond à l'appel de l'acculé quand il l'invoque? Celui qui est acculé, qui est dans la peine, qui est dans la détresse, son invocation est plus à même d'être acceptée qu'une personne extérieure. D'ailleurs, même un mécréant, quand il est dans la détresse, Allah accepte sa dua. Allah Ta'ala ne nous dit-il pas dans le Coran que quand ils sont dans la mer, dans la détresse, ils invoquent Allah sincèrement, et une fois qu'Allah les a sauvés, voilà qu'il lui donne des associés. Donc Allah a accepté la dua, il les a sauvés. Donc celui qui est dans la détresse, il est acculé, il se concentre avec tout son être vers Allah seul, Allah répond à son appel. Subhanahu wa ta'ala. Et parfois Allah, par sa sagesse, veut qu'une personne reste malade, parce que ça le lave d'une grande partie de ses péchés. Donc, Inch'Allah, on espère qu'il ne se fera pas châtier dans l'au-delà pour cela. Et aussi, ça l'élève en degré. Et peut-être que quand il est malade, il fait beaucoup de bonnes actions. Il invoque, il fait des du'as, il lit le Coran. Et quand il sera plus malade, il ne fera rien de tout ça. Donc, on ne sait pas où est notre bien. Il se peut que vous ayez de l'aversion, que vous aimiez une chose et c'est du mal pour vous. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et c'est du bien pour vous. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose, que c'est du bien pour vous, et que vous aimiez une chose et que c'est du mal pour vous, et Allah sait et vous ne savez pas. Donc voici concernant la ruqya. Les amulettes, on en a parlé. Et tiwala, c'est de la sorcellerie, il n'y a pas de... Peu importe l'objectif, même si l'objectif de la sorcellerie est bon, le moyen est interdit. Et en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que notre objectif est le bien, par exemple on veut qu'un homme et sa femme s'entendent bien. Et la personne, elle va avoir un sorcier pour faire une sorcellerie pour qu'ils s'entendent bien. C'est interdit. C'est pas seulement interdit, c'est un acte de polythéisme. C'est un grand interdit, très grave. Donc, la bonne justification, la bonne intention ne permet pas cela. Comme une personne qui veut construire une mosquée, et qui va aller braquer une banque et il va dire je construis une mosquée. Ça paraît évident, mais là c'est encore pire, car la personne qui va voir les sorciers ou qui a recours à la sorcellerie, il fait un acte qui est détesté par Allah, qui est le pire des actes auprès d'Allah, qui est le polythéisme, l'association. Qu'Allah nous en préserve. Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, je vais regarder l'heure parce que mon temps est compté. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواق يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم رواه الترمذي وهو حديث صحيح. Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est le hadith de Abu Waqid al-Layfi, radiyallahu anhu, qui dit, nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, pour la bataille de Hunayn. Nous venions seulement de quitter le polythéisme il y a très peu de temps, récemment. Les polythéistes avaient un arbre auquel ils se dévouaient et où ils pendaient leurs armes, l'appelant « Zatu Anwaq ». Nous passâmes près d'un arbre et dîmes « Ô messager d'Allah, désigne-nous un Zatu Anwaq comme les polythéistes ont un arbre « Zatu Anwaq » sur lequel ils accrochent leurs armes. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rétorqua alors « Subhanallah, gloire est portée à Allah. » Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit comme dire les fils d'Israël à Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. Ce hadith, rapporté par Abu Waqid al-Layfi, son nom est Al-Harith ibn Awf. Il était un compagnon bien connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui décéda en l'an 68 de l'Hégire, âgé de 85 ans, radiyallahu anhu. Ils allaient à la bataille de Hunayn. C'est une vallée se trouvant à moins de 20 000 à l'est de Mecca, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla pour combattre la tribu de Hawazin. Hawazin. Donc, sur la route, ils ont vu que les polythéistes se dévouaient pour un arbre. Ils le glorifiaient en cherchant sa bénédiction. Comment cela? Ils y pendaient leurs armes. Ils y accrochaient leurs armes. Et d'ailleurs, « Zatou Anouat », en langue arabe, cela veut dire « celui à qui on accroche », c'est-à-dire l'arbre sur lequel on accroche, sous-entendu nos armes. Pour y chercher la bénédiction. Pour y chercher la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont passés et que ses compagnons qui venaient juste d'embrasser l'islam lui ont dit désigne-nous nous aussi un arbre sur lequel on accroche nos armes pour avoir la bénédiction. Bien sûr, eux, ils pensaient la bénédiction qui vient de la part d'Allah. Ils étaient encore ignorants des détails, des points qui étaient considérés comme du polythéisme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Subhanallah » dans une autre version, il a dit « Allahu Akbar » d'étonnement pour montrer sa désapprobation et son étonnement pour agrandir le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il leur a dit qu'ils allaient suivre la voie des gens qui les ont précédés, à adorer, à prendre des divinités en dehors d'Allah, c'est-à-dire les gens du livre. Donc, on voit dans cette histoire que Abu Waqid rapporte cet incident qui a eu lieu sur le chemin de la bataille de Hunayn contre la tribu de Hawazin. Certains musulmans qui venaient tout juste d'embrasser l'islam, et de ce fait, ils ne connaissaient pas les points du polythéisme en détail, lorsqu'ils virent un arbre auprès duquel les polythéistes cherchaient la bénédiction, ils ont demandé la même chose. Ils ont demandé la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cela, et il leur a dit qu'ils ont fait la même chose que les enfants d'Israël qui ont demandé à Moussa de leur donner une divinité comme les polythéistes avaient une divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que cette communauté va suivre les erreurs des communautés précédentes, c'est-à-dire tomber dans le polythéisme, dans leurs actes, en adorant les saints, en adorant les tombes, en adorant des choses inanimées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou les djinns, en suivant la voie des gens qui les ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. On peut tirer de ce hadith que le fait de rechercher la bénédiction dans les arbres, les pierres ou toute autre chose est du polythéisme. On peut tirer comme leçon du hadith que celui qui vient d'abandonner le four dans lequel il était, auquel il était habitué pendant des années, risque d'avoir toujours certaines traces et certaines mauvaises habitudes dans son cœur de ce faux, jusqu'à ce qu'il s'imprègne totalement du vrai et qu'il apprenne. On peut tirer de ce hadith que les causes d'adoration des idoles est de les glorifier, se faire des retraites pieuses auprès d'elles et en chercher la bénédiction. On peut tirer de ce hadith qu'il se peut que quelqu'un approuve un acte dont il pense qu'il le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'en vérité, il l'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman, on peut tirer de ce hadith que quand le musulman voit une chose blâmable ou une chose qui est contradictoire à la religion, il est légiféré de dire Subhanallah ou Allahu Akbar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, pour exprimer son mécontentement et son étonnement. On peut tirer de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que des actes de polythéisme se répandraient dans sa communauté, et il a dit vrai, ceci arriva. C'est beaucoup répandu. On peut tirer de ce hadith que c'est un signe de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car effectivement, le polythéisme s'est répandu dans sa communauté comme il l'a informé. Sallallahu alayhi wa sallam. On peut tirer de ce hadith l'interdiction de ressembler aux gens du faux, aux gens de l'époque pré-islamique ou des autres religions qui sont sur le faux. Sauf en ce qui est agréé par notre religion. Sauf ce qui est agréé par notre religion. Ou les choses qui ne sont pas spécifiques à eux. Des choses qui sont générales à tous les êtres humains. Les êtres humains se ressemblent tous dans certains points et on doit se différencier dans les choses qui sont spécifiques à eux. On peut tirer de ce hadith que les jugements doivent être faits par rapport à la réalité des choses et non pas par rapport à leur nom. Par exemple, qu'ils aient appelé cet arbre Zat Anwat ou peu importe comment ils l'appellent, la finalité c'est quoi? C'est qu'il cherche la bénédiction à travers cet arbre. Donc c'est interdit. Pareil, aujourd'hui si quelqu'un appelle des boissons illicites d'un autre nom, cela ne change pas son statut. Ça restera illicite. Donc ce qui compte c'est la finalité et non pas les dénominations qui sont données aux choses. Si demain une boisson enivrante était appelée eau, de l'eau, ça ne voudrait pas dire que c'est de l'eau. Quelqu'un vient nous dire, oui, mais c'est de l'eau. ce n'est pas par exemple du vin. Non, c'est enivrant, ça a le même statut, même si ça s'appelle de l'eau. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, Inch'Allah, sur les hadiths que l'on a vus ensemble. On voit dans ces hadiths que l'on a vus ensemble aujourd'hui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les œuvres qui sont en contradiction avec le tawhid et a dirigé vers les œuvres qui aident à concrétiser et à parfaire le tawhid, le monothéisme. Dont le fait de placer sa confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la cause la plus importante pour régler ses affaires. Placer sa confiance en Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance totale en Allah, Allah lui suffit. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.